La légende de Noël. Le lendemain, tout le monde était éteint sauf Okyo. En même temps, il n'avait rien perdu, lui. Pendant un instant, j'ai eu peur que Lena n'ait pas trouvé son cadeau. Et puis j'ai croisé son regard. Tout au fond, une petite flamme y brillait. Si Pahu et son fils ne remarquèrent rien, tous les copains s'en aperçurent. Si bien qu'à la récré, on est tous allés la voir. Qu'est-ce qui t'arrive, Lena ? Eh, on est tous dans la même galère, tu sais. Bon, hier, j'étais dans ma chambre à dessiner mes soldats de glace pour ne pas les oublier. Et puis, on a toqué à ma fenêtre. Quand j'ai regardé, j'ai vu un paquet. Et dedans, il y avait mon duo de soldats. Comment c'est possible ? Mais je sais pas. Mais ça veut peut-être dire que si on pense fort à nos jouets, l'esprit de Yule nous entend ? Une vague d'espoir déferla dans les yeux des copains. Toute la journée, leurs souhaits m'accompagnèrent. Je pensais aux chevaux de bois d'Ulrich, aux gardiens des forêts de Sigrid, aux faucons de Tobias, aux dragons flamboyants d'Anya, aux chevaliers de Magnus et à tous les autres. Ça faisait plus de 30 jouets à fabriquer. Je n'étais pas aussi rapide que maman, mais j'étais déterminé. Alors, après m'être assuré qu'elle ronflotait paisiblement, je me suis faufilé dans son atelier, travaillant le plus silencieusement possible. Deux jours plus tard, Sigrid murmura qu'elle avait reçu un paquet. Puis ce fut le tour d'Ulrich, d'Anya, de Tobias et de Magnus. Des copains retrouvèrent le sourire, les autres gardaient espoir. Pahu ne se doutait de rien. Mais plus le temps passait, plus Okyo m'intriguait. Il était toujours à l'écart, fermé. Alors, à la récré du matin, comme il ne restait plus que nous deux, j'ai osé lui parler. « Ça te dirait de venir avec nous pour une fois ?»« J'ai pas le temps pour les distractions, je dois étudier. » « Bah, tu sais, on fait que parler comme on ne peut plus jouer. Ça me manque, moi, pas toi ?»« Je suis le futur du royaume et les jouets ne vont pas m'aider. » « D'accord. Moi, j'aimais bien ma marionnette Yeti. C'était le meilleur jouet. »« Pas autant que mon rossignol en bois. Il sifflait et volait, on aurait dit un vrai. » Bah quoi ? Rien. En fait, t'es comme nous. Okyo rougit et se replongea dans son cahier d'exercice. Noël va-t-il fabriquer un jouet pour Okyo ? Vous le saurez demain en écoutant le prochain épisode.